Adatto. Fais les choses qu'on regrette vraiment. Avec le temps, j'ai pris des serments. J'ai fait sincèrement, on oublie bêtement. J'aurais dû une vie où je m'endors sagement. J'suis conscient que je te dois tellement. Avec le temps, j'ai pris des serments. Je l'ai fait sincèrement et je le dis clairement. J'ai fait des choses que je regrette vraiment. Et voilà, c'est parti comme initialement annoncé que nous allons travailler avec ce clip de Maître Jim. Nous allons faire une émission spéciale aujourd'hui pour savoir s'il a réellement signé un pacte avec le diable pour devenir riche et aussi avoir beaucoup plus de gloire dans ce monde. Ce sont les images que nous allons regarder qui vont nous dire la vérité avec les analyses, ce qui se passe sous nos yeux et aussi dans le monde de la musique et même dans le monde des affaires. Partagez la vidéo, partagez encore la vidéo. Nous allons d'abord suivre la vidéo, suivre le clip et chacun va tirer des conclusions au vu de ce qu'il a entendu. Il y aura mes explications. Il y a aussi des images, il y a aussi des paroles qui sortent de sa bouche. Donc, c'est une émission tout à fait spéciale. Voir comment Satan fait pour détourner les âmes que Dieu a créées. Regardez ces images qui parlent réellement, parce que les images parlent. Je peux le dire, que les images parlent. Et nous allons recommencer. Et vous allez voir là où il a signé le pacte, où il a donné son sang. Un jour, j'ai fait cela, je m'adresse tout simplement à Maître Jim, que je suis passé par là. J'ai écrit un livre, ce livre s'appelle « Va et raconte ce que j'ai fait pour toi ». Vous avez le titre « Va et raconte ce que j'ai fait pour toi ». Ce livre a été écrit par moi-même, c'est ma vie. Et là, nous sommes au chapitre 2. Vous voyez l'image là où il a posé le couteau. Nous allons laisser cette image à cet endroit. Il a posé le couteau, il a découpé, il a coupé. Ce n'est pas une simple image, ce n'est pas tout simplement quelque chose pour attirer ou bien pour embellir l'image, c'était une réalité. Parce que je suis passé par là et je l'affirme que c'est des choses qui se passent. Ça se passe comme ça dans le royaume des ténèbres. Dans mon livre témoignage, comment je suis entré dans ce monde. J'ai dit ceci dans le livre témoignage au chapitre 2. Après la mort de mon père, dont j'étais prêt à faire n'importe quoi, la vengeance que j'envisageais avait introduit une haine terrible dans mon cœur envers mes oncles, parce qu'ils étaient les principaux responsables du décès de mes parents, mes oncles à moi. Jésus-Christ a dit, l'homme aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Alors, chers frères et sœurs, la méchanceté des hommes peut vous conduire au désastre. Si vous marchez selon la règle de ce monde, œil pour œil, dent pour dent. Partagez la vidéo, partagez encore la vidéo, car la prière va commencer tout à l'heure. Mais je dois d'abord dire à tous ceux qui se sont engagés sur ce genre de chemin, comme bien sûr Maître Jim. C'est par ignorance, bien sûr, et aussi d'autres personnes. On a vu, par exemple, la mort de notre jeune frère qui est mort en Côte d'Ivoire récemment. Il y a eu également d'autres musiciens et d'autres personnalités qui ont perdu la vie en donnant leur vie à Satan parce qu'ils ont besoin de la gloire, ils ont besoin des richesses. Satan l'avait fait déjà un jour avec Jésus dans le livre de Matthieu au chapitre 4 à partir du premier verset. Nous ne lisons pas encore, mais nous allons lire. Alors, que cette haine prenait racine en moi. Je maudissais en même temps la terre et le ciel en me demandant pourquoi la nature, donc Dieu. Parce que dans le royaume de Satan, on n'appelle pas Dieu comme ça. Donc, on parle de la nature. Dans les cercles mystiques, dans les sectes pernicieuses, on parle de la force, donc de la nature. Comme pourquoi la nature, donc Dieu, était si injuste, pourquoi elle favorisait certaines personnes en les dotant de pouvoirs de domination sur les autres. À cet effet, Satan ne tarda pas à me donner ce qui semblait pour moi être une solution à mon problème. Continuez à partager la vidéo parce que là, c'est le début de mon témoignage. Au vu, quand j'ai regardé ces images sur ce que ce garçon aurait subi, parce que c'est une réalité, c'est vraiment une réalité, c'est pas que... C'est des images simples et je sais qu'il a besoin d'un soutien, il a besoin d'une certaine délivrance, il a besoin, parce que s'il n'est pas délivré et s'il ne reçoit pas le Seigneur Jésus, s'il n'est pas délivré, il va partir. Il n'y a pas autre chose qui peut te sauver, Maître Jim, il n'y a pas autre chose que Jésus-Christ, parce que je suis en train de lire mon livre de témoignage, vous voyez bien sûr comment Jésus-Christ m'a arraché à ma double vie d'homme-démon. Donc, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas aussi de la fiction, c'est une réalité. Et c'est pourquoi j'ai tourné cette vidéo. Donc, je suis au chapitre 2 de ce livre. Le chapitre 2 est... Et Satan n'a pas tardé à me donner ce qui semblait pour moi être une solution à mon problème. Un jour, pendant qu'un ami de classe feuilletait l'horoscope, c'est pas les horoscopes parce que ça a été une erreur de frappe. L'horoscope, c'était à l'époque un livre qui contenait beaucoup d'adresses des grands médiums du monde, des grands cercles mystiques du monde qu'on appelait l'horoscope auparavant. C'est pas l'horoscope que vous regardez à la télévision ou que vous écoutez par le canal de la radio. Dans ce journal qui était dédié à l'occultisme, j'ai pu lire l'adresse d'un grand médium qui résidait en France où je suis aujourd'hui. En France, la secte en question s'appellerait la secte Sakyamuni, et qui est à l'origine de la création de toutes les sectes que vous pouvez. Cette secte a existé depuis plus de 5000 ans avant Jésus-Christ. Et elle prend ses origines en Inde. En Inde, et à l'époque, il y avait son siège régional qui se trouvait à Grenoble, en France. En France, d'où je me trouve aujourd'hui. Alors, heureux de cette découverte, je savais que mes parents seraient vengés. Pour moi, je suis entré pour venger mes parents. Mais j'ai été obligé de mentir pour avoir de l'argent. Parce qu'on m'avait demandé d'utiliser ce qu'on appelait à l'époque. Il y avait des sommes qu'il fallait payer à la poste pour expédier des courriers. Étant élève, je n'avais pas cet argent. J'ai dû tromper mes parents adoptifs, c'était ma grande sœur, mon beau-frère et les autres, c'est-à-dire ma grande sœur et mon beau-frère, qui m'hébergeaient à l'époque dans la ville de Douala chez eux. À ce moment-là, ma sœur était d'un âge déjà avancé. Et ses enfants, bien plus âgés que moi, son mari était employé des chemins de fer du Cameroun, c'est-à-dire, à l'époque, on appelait ça la Régie nationale des chemins de fer du Cameroun. On habitait dans un appartement de deux chambres. L'un de leurs beaux-fils m'avait remis une perceuse électrique pour la revendre. J'en ai effectivement gagné 6000 francs CFA en vendant cet appareil. Mais quand je suis rentré à la maison, j'ai prétendu que les policiers me l'ont arraché. Cet argent m'avait permis d'entamer la correspondance avec l'agent diabolique, c'est-à-dire le siège de cette secte pernicieuse qui se trouvait quelque part à Grenoble, en France, pendant que moi, j'étais élève au Cameroun. Dans la lettre que j'adressais donc à cette secte Sakyamuni, j'expliquais que mon problème ne se limitait pas seulement à réveiller mon être intérieur, parce que je n'étais pas né sorcier, et pourtant on pratiquait la sorcellerie dans ma famille, comme dans toutes les familles du monde. On pratique la sorcellerie d'une manière intense et féroce. J'avais justement besoin d'une initiation pour devenir, et même plus si possible, pour pouvoir enfin venger la mort de mes parents. J'ai donc envoyé ce courrier en express. 7 jours plus tard, je recevais une réponse positive. Dans l'enveloppe reçue se trouvaient 2 coupons. Un coupon rouge et un coupon jaune. On me demandait de poser sur le coupon jaune ma salive et sur le coupon rouge une goutte de sang. Une goutte de sang. Écoutez, ce que vous voyez sur votre petit écran n'est pas de l'amusement parce que je suis passé par là et je voudrais dire à Maître Jim que ce qu'il te faut aujourd'hui, c'est recevoir Jésus et passer à la délivrance. Moi, je suis passé par là. S'il y avait aussi, par exemple, les réseaux sociaux comme maintenant, je pouvais aussi le faire présenter, ces images, ou bien faire un montage comme ce que vous voyez sur votre petit écran. C'est pas un simple montage, mais je dis que c'est une réalité. Ça veut dire qu'il est passé par là. Et si tu as peur de quitter parce qu'on vous promet la mort si tu tentes de quitter. Mais je te dis aujourd'hui que Jésus-Christ est plus puissant que tous les petits sorciers, tous les petits démons, que tous les pactes, toutes les alliances que tu aurais tissées avec Satan. Jésus-Christ seul peut te délivrer. Jésus-Christ seul peut te redonner la vie. Il peut te donner l'honneur, la gloire, les richesses, tout ce que tu veux. Je sais que si tu es passé par là, tu dois avoir peur parce que il y a ce qu'on appelle l'intimidation dans ce camp-là. Tu ne peux pas quitter parce que on doit te promettre la mort. Et effectivement, il était poursuivi. Nous allons voir ça sur la vidéo tout à l'heure, mais nous continuons d'abord. Et qu'est-ce que j'ai fait après avoir? J'avais justement, et lorsque j'étais donc séduit par cette information, et réellement, J'avais percé le doigt, mon doigt avec une aiguille, parce qu'il me fallait du sang. Et mettre ce bout de sang sur le papier rouge. Sur le papier rouge. Et effectivement, j'ai fait ça. Et j'ai envoyé tout ce que cette secte m'avait demandé. La salive et le sang. C'est-à-dire, tu as donné ton âme à Satan. L'âme est dans le sang, dit la parole de Dieu. L'âme est dans le sang. Ce que vous voyez n'est pas le fruit du hasard. Ce que vous voyez n'est pas un simple montage. Beaucoup de millions de personnes, voire des milliards de personnes, sont passées par là. Ils ont signé ce pacte avec Satan, soi-disant, pour avoir de l'argent, pour avoir la gloire, pour avoir le travail, pour avoir la prospérité, pour avoir l'élévation professionnelle, être nommé, devenir président de la République, ministre et autres. Mais c'est des foutaises. Satan finira par prendre ton âme. Donne même toute ta famille, ta femme, tes enfants, ton père, ta mère, les oncles, les tantes. Mais Satan finira par prendre ton âme. Il va te donner ce que tu veux, l'argent, mais tu n'auras jamais la paix, tu n'auras jamais le bonheur. Tu ne pourras rien faire avec cet argent. Et c'est pourquoi je suis en train de te dire, petit frère, le chemin que tu as suivi est un chemin dangereux. Je sais que tu le sais déjà. Je sais que tu le sais déjà. Tu ne pouvais pas tourner ce genre d'image si tu n'es pas passé par là. C'est pratiquement impossible. Je sais que c'est la vérité parce que moi, je me suis passé par là. Voici mon livre. Ce livre existe depuis 25 ans aujourd'hui. Depuis 25 ans qu'il a été écrit, la première édition a été... Les premiers exemplaires ont été édités par les éditions Parole de Vie et ce n'était pas avec la même couverture. J'ai seulement changé de couverture après. La couverture était verte à l'époque. Les éditions Parole de Vie, on était en 1995 parce que j'ai été délivré en 92. Et le livre est sorti en 94, 95 et il a été diffusé dans le monde entier. Ce livre va raconter ce que j'ai fait pour toi, qui avait prononcé ces paroles, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui avait prononcé ces paroles, Jésus, le jour de ma délivrance. Écoute-moi bien, petit frère, et tous les frères de la magie, sur le chemin de la magie, j'ai dit ceci, vous êtes véritablement sur un mauvais chemin. Partagez encore cette vidéo, que la puissance du sang de Jésus-Christ, il n'y a que le sang de Jésus, parce que le sang qui coule là, le diable boit ça. Le diable est capable de boire le sang de quiconque qui est né par le canal d'un rapport sexuel entre une femme et un homme. Depuis Adam jusqu'à nos jours, tous les hommes sont nés avec, pour père le diable, ce que Jésus-Christ disait aux pharisiens, vous avez pour père le diable. On a besoin d'un sauveur, on n'a plus besoin de la religion, mais on a besoin d'un sauveur. Toute l'humanité est née sous la punition, sous la domination satanique. Et c'est pourquoi le diable continue à séduire les gens, continue à détruire des vies en leur proposant des richesses alors que lui-même n'a aucune richesse. Jésus-Christ appelle le diable, Jésus-Christ appelle le menteur, il appelle également le voleur. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler. Là, il vient de voler ta vie. Vous voyez comment il blesse son sang et l'âme est dans le sang. Quand tu blesses comme ça, comme je l'avais fait, et j'avais placé ce goutte de sang sur un bout de papier rouge. Et comme vous allez également voir, tu peux relancer. Où est David? David? Vous voyez, il est en train de mettre sur le bout de papier. Il a mis sur le bout de papier comme je le faisais. Comme je le faisais. Il a placé sous le bout de papier. Vous voyez? Il a prêté serment. Il a fait des choses. Voilà la gloire. Voilà la richesse. Et cette richesse va te coûter cher. Ça va coûter ton âme, ton esprit. Et cela sera l'enfer. Maintenant, il était en t-shirt, c'est déjà costume, avec des champagnes. Et c'est comme ça que Satan séduit le monde. Il séduit le monde de cette façon. Et c'est de voir l'argent. Et c'est ça, c'est son maître qui lui a fait signer le pacte. Il lui a fait signer le pacte. Vous voyez comment ça se passe. Maintenant, il fréquente de grandes personnalités. Ce qui était impossible auparavant. Mais il vient de vendre son âme à Satan. Ça sera l'enfer éternel. Et Satan trompe ces gens en disant l'enfer n'existe pas, Dieu n'existe pas. Il peut te donner l'argent. Satan est un voleur. Satan est un voleur. Satan est un menteur. Il vous trompe. Jeunes, adultes, vieillards, ceux qui ont livré leur vie à Satan, au diable. Il a déjà toutes les richesses. Il a déjà tout ce que vous voulez. Il a déjà tout ce que les jeunes, les adultes, les vieillards, avec des limousines, ici, des contrats. Les salles sont remplies de monde. Est-ce que vous voyez? C'est ce contrat. Maintenant, quand il est seul, il se retrouve, il regarde. Il regarde quoi? Il regarde le pacte. Et c'est sur son bras. C'est sur son bras. Voici les pas des alliances. Et tous ceux qui écoutent sa musique, tous ceux qui dansent cette musique sont également envoûtés parce que Satan est partout, il ne peut plus se déplacer. Il y a toujours les photographes, il y a les femmes, il y a ceci, il y a cela. Il a la gloire du monde, toute la gloire du monde. Mais à quel prix? Au prix de son âme. Au prix de son âme. Voilà, il ne peut plus s'en sortir. Il ne peut plus s'en sortir, il veut s'en sortir, il sait qu'il a vendu son âme. Et vous voyez, et là vous voyez, finalement, la cérémonie d'initiation, la cérémonie, il a sacrifié sa vie. Je suis passé par là, avant que Jésus-Christ ne me délivre. Je suis passé par là, par ces choses-là. Et je le dis, et si vous lisez ce livre, il a été écrit depuis 27 ans. Pardon, depuis 25 ans que ce livre a été écrit. Et je retrouve ça. Et quand on annonce l'évangile pour que les gens puissent croire, recevoir Jésus pour qu'ils soient sauvés. Parce que c'est Jésus seul qui peut te délivrer. C'est Jésus seul, petit frère, qui peut te libérer. Et voilà, finalement, c'est la mort. On a vu un gars qui est mort comme ça en Côte d'Ivoire par accident. D'autres meurent par... D'autres meurent par maladie, tu entends, courte maladie et autres. Tu entends, courte maladie et autres. Tu peux revenir sur l'image. Et voyons un peu, j'étais séduit parce que, pourquoi j'étais séduit? On me demandait de poser ma salive sur la, sur le papier, le bout de papier jaune et une goutte de mon sang sur le rouge. Toutes leurs prestations étaient gratuites, selon eux. Selon eux, ils m'encourageaient même dans ma décision de me venger, estimant que beaucoup de jeunes étaient passés par cette voie pour la même raison ou pour devenir riches. C'est ce qu'on m'avait dit ce jour-là, que beaucoup de jeunes sont passés par cette voie pour devenir riches. Et la plupart des jeunes aujourd'hui, la plupart des adultes, des grosses voitures, des grosses cylindrées, la gloire du monde. Et quand vous lisez le livre de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 1er, la Bible dit, quand Jésus a eu faim après le jeûne, et le diable s'est approché pour lui proposer. Aujourd'hui, tu as une famine financière, tu as une famine des richesses, tu as une famine de gloire, tu as une famine pour le travail, tu veux travailler. Tu as une famine pour devenir un grand homme politique. Tu as une famine parce que tu joues au football. Tu joues au football. Tu as besoin de la gloire, signer des contrats. Et tu donnes ta vie à Satan. Et voici ce qui se passe là où il est couché. Et dans mon livre témoignage, je suis arrivé, je suis. Quand vous lisez, le livre a au moins combien de chapitres? Je suis entré sous la mer. J'ai fait tout ça au-delà de ce qu'il a fait. Au-delà de ce qu'il a fait. Au-delà. Mais Jésus est venu. Il m'a pris. Satan ne peut jamais me toucher. Satan ne peut pas te toucher. Il ne peut pas te toucher. Tu peux recommencer. L'image. Tu peux recommencer. Et il ne peut jamais te toucher si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul qui peut te libérer. Il est le seul qui peut te délivrer. Qui peut te délivrer. Voici, c'est ce qu'on appelle des démons en chair. Tous ceux qui sont assis là sont des démons en chair. J'ai écrit ça dans mon livre témoin. Ce sont des démons, ce sont des agents de Satan intrépides. Là, il est en jean. Il n'est pas encore. On lui dit bienvenue. On m'avait aussi souhaité ce qu'on appelle le bienvenu. Mais moi, j'étais au cimetière. Mais quand j'envoyais le sang, c'était dans ma chambre. Mais à partir du moment où le sang était déjà parti, ils avaient déjà mon âme. Matthieu chapitre 4, verset 1 dit, « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Et puis le tentateur s'étant approché, et qu'est-ce qu'il a dit à Jésus-Christ? Le prix à payer, il a mis là le prix à payer pour avoir la gloire. C'est Maître Jim, mais ce n'est pas moi. Le prix à payer pour avoir des grosses voitures. Le prix à payer pour avoir des filles. Le prix à payer pour être élevé quand tu passes. C'est ça le prix à payer. Le prix à payer. Que la puissance du sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, l'autorité de Jésus-Christ se manifeste d'une manière particulière au nom de Jésus. Voilà la gloire. La gloire dans des limousines. Et la fille qui est démon en chair, est devant. Et en même temps, et voici son mentor. Et que ce soit les prêt-à-porter. Et regarde les yeux de la fille en question. C'est un démon en chair. Il y en a plein comme ça qui marchent nus devant vous et ça vous attire, vous les jeunes, la richesse, tu vends ton âme à Satan. Voici, ils sont en train de fêter son arrivée. Bienvenue au paradis. Bienvenue dans le monde de ceux qui ont réussi. Mais je vous le dis, tu n'as pas réussi. Tu viens de vendre. Aujourd'hui, je sais qu'il a peur, mais je t'encourage. Si tu veux, appelle-moi. Dis, frère, voici, moi, je veux être sauvé. Je veux être libéré. Non seulement lui, tous les jeunes, tous les adultes qui ont livré leur vie à Satan, vous êtes en danger. Il peut vous tuer à n'importe quel moment. Il peut vous détruire à n'importe quel moment. Il vous laisse d'abord en vie pour que vous puissiez sacrifier beaucoup d'âmes, ceux qui vont danser, ceux qui vont vous suivre, ceux qui vont danser votre musique inspirée par les démons seront sacrifiés et c'est pourquoi vous-même aussi vous êtes sacrifiés et c'est pourquoi il vous laisse encore en vie pour quelques années, pour quelques instants. Voyons ce qu'il montre sur le bras, tu peux arrêter l'image, ce qu'il montre sur le bras et tout ceci, il a peur, il a déjà la gloire. Il a déjà des richesses. Mais à quel prix? Au prix de ce qu'il a sur le bras. Voilà, au prix de ce qu'il a sur le bras. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a blessé, le sang est sorti. Et le sang qui est sorti, c'était son âme, dont le diable a tous les pouvoirs sur lui. Il peut le tuer à n'importe quel moment. Il peut le détruire à n'importe quel moment. Ça veut dire quoi? C'est toi qui dois se dépêcher. Parce que Jésus a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Il va te donner la vie. Et avec sa parole, avec la délivrance, tu vas l'accepter parce que la Bible dit, celui qui croit en lui ne sera plus jamais confus. Il n'y aura plus de confusion dans ta vie. Depuis que moi j'ai été sauvé par Jésus, aucun démon, aucun sorcier, il peut tout faire. Quand tu entres Avec Jésus, c'est une assurance à 100%, une protection à 100%. C'est pourquoi il est écrit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Voyons ce qu'il a sur le bras. Il montre. Ce n'est pas seulement un montage. Les gens pensent que c'est un montage parce que j'ai suivi. D'autres ont fait des commentaires. Oui, c'est parce qu'il veut tout simplement qu'il veut faire le bus, il veut faire... Non, c'est une réalité. C'est une réalité, j'ai dit, dans le chapitre 2 de mon livre témoignage, je suis passé par là. Et je parle de tout ce qui est comme le début de ma seconde mission qui avait son siège au Soudan. Dans ce livre-là, la seconde mission qui avait son siège au Soudan, à mon retour à Edea, alors que je dialoguais avec mon maître qui s'attend dans mon labo à une heure tardive de la nuit. Le chauffeur d'une boulangerie qui venait de livrer du pain a été propulsé de sa camionnette sur une maison proche. Et les gens ont cru que... Oh, c'est Satan qui a tué ce chauffeur. Et les gens ont cru que c'était un accident simple. Et c'était un chauffeur qui avait aussi engagé sa vie dans la sorcellerie. Vous voyez? Donc, vous devez absolument, absolument, absolument... Nous avons d'abord une retraite très importante. Une retraite... C'est-à-dire le dernier virage 2019 qui commence, retrait de délivrance, qui commence ce 13 ici vendredi pendant 3 jours. Pendant 3 jours, ce vendredi pendant 3 jours. Tu ne dois pas manquer. Si tu veux, tu m'appelles, tu me donnes, moi je t'appelle et puis je viens te trouver là où tu es. Tu verras le numéro au-dessus de cette vidéo. Et tu m'appelles, tu dis, tu m'envoies seulement un message sur WhatsApp, ça sera mon numéro WhatsApp. Tu m'envoies un message, tu dis, vraiment, j'ai besoin de la délivrance. Je veux fuir, j'ai signé des pactes. Et je veux fuir, je sens que la mort, j'ai une oppression démoniaque. Et ne pense pas que tu vas perdre, tu ne pourras rien perdre, tu ne vas pas perdre l'argent que tu as reçu de lui. Parce que Dieu l'appelle le voleur, tout ce qu'il t'a donné là, tu vas rester avec ça. Tu vas rester avec ça. Dieu te donne la gloire plus que Satan. Satan ne donne absolument rien. C'est un menteur. C'est un menteur. Jésus te donne la paix. Il te donne le bonheur. Il te donne tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, à condition que tu lui donnes ta vie. Comme tu as donné ta vie à Satan. Comme tu as donné ta vie à Satan. Et Jésus a besoin. Il a besoin de que tu donnes également ta vie. Lui, il a versé son sang, mais toi, tu verses ton sang maintenant. Mais Jésus avait déjà versé son sang pour toi. Il a payé le prix. Et le diable est là pour te tromper. Pour te tromper. Ce que je veux te dire aujourd'hui, écoute ce qu'il dit. Moi, je suis tombé dans son livre. Il dit, Satan représente l'existence matérielle au lieu de promesses spirituelles irréalistes. C'est Satan qui le dit. Il dit que Dieu promet... Les promesses de Dieu sont irréalistes. Et lui, Satan, représente la complaisance au lieu de l'abstinence. Lui, Satan, écoute-moi bien. La complaisance au lieu de l'abstinence. Et c'est ce qui fait fuir les gens parce que Dieu parle de l'abstinence et lui, Satan, c'est la complaisance. Donc, Satan représente l'existence matérielle. Or, c'est faux. C'est un voleur. Il vous a trompé. Il trompe tout le monde. Il m'avait trompé. Mais gloire soit rendue à Jésus parce que Jésus-Christ, la Bible dit, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'était une grâce au moyen de la foi. Et quand j'ai regardé ces images, d'autres ont tourné. Ils ont fait des commentaires. Mais moi, je te dis aujourd'hui que si tu donnes ta vie au Seigneur, je te lance un défi. Donne ta vie au Seigneur. Rien ne t'arrivera. Et tu donnes ta vie au Seigneur selon les principes bibliques. Parce que quelqu'un d'autre viendra te dire, oui, je veux prier pour toi. Tu vas donner ta vie au Seigneur, ainsi de suite. Alors que ce ne c'est pas selon les principes bibliques, c'est fini, le diable va t'abattre. Moi, j'ai vu beaucoup d'anciens sorciers, beaucoup d'anciens pratiquants qui ont essayé de quitter le diable sans toutefois être touché par la puissance de la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Et le diable les a abattus après. Parce que la nouvelle naissance n'était pas celle qui doit être réellement réalisée dans la vie d'une personne. Et c'est, il faut à tout prix que tu rencontres quelqu'un qui a réellement Jésus, un serviteur qui a réellement Jésus, qui est réellement né de nouveau et qui t'amène au Seigneur, qui t'amène à confesser le nom du Seigneur Jésus, à invoquer le sang de Jésus sur toi. Et le sang de Jésus va briser l'alliance de sang, l'alliance de sang qui a été établie entre toi et les démons, entre toi et les sorciers. Cette alliance de sang que tu es en train de présenter aujourd'hui publiquement sur les images, sur les réseaux sociaux. Donc ici, Satan dit, Satan représente la vengeance au lieu de tendre l'autre joue. Parce que moi, je m'étais vengé. Parce que les sorciers de ma famille ont détruit, décimé toute ma famille. Et je suis entré là pour se venger. Tu vois, or Dieu ne demande pas de se venger. C'est Satan qui parle de la vengeance. Et c'est ce qui est écrit aussi dans son livre de Satan, dans sa Bible, la Bible de Satan. Que Satan représente l'homme comme un autre animal. Satan représente l'homme comme un autre animal. Dieu appelle l'homme animal la personne qui n'est pas encore convertie. Mais un homme qui est déjà converti, il a été créé à l'image de Dieu, il n'est pas un animal. Mais le diable passe le temps à vous insulter et vous le suivez. Il vous insulte et vous le suivez. Il dit que vous êtes des animaux et vous le suivez. Il a enseigné à la science que nous avions évolué, nous étions d'abord des animaux, nous étions d'abord des tétards, nous étions des singes et on a évolué. C'est pas ce que la science vous enseigne. Or, c'est un mensonge de Satan et vous croyez à ça. C'est un bon mensonge de Satan. À partir d'aujourd'hui, Satan, il est dit, Satan a été, c'est lui qui parle, lui, Satan, dans sa Bible. Satan a été le meilleur ami que les églises aient connu. Il était ami des églises à quel moment? La Bible déclare qu'il mettait le sceau, il n'était pas encore Satan. Il mettait le sceau à la perfection, il s'appelait Lucifer à l'époque. Mais lorsqu'il s'est rebellé contre Dieu, et c'est en ce moment-là qu'il est devenu Satan, qu'il est devenu Satan, dont le prince de ce monde des ténèbres. Vous voyez, le prince de ce monde des ténèbres, il a besoin de ton âme. Il ne veut pas qu'il aille souffrir en enfer seul. Il veut entraîner toute l'humanité. Et il vous propose des richesses, il vous propose des gloires, il vous propose des choses, des guérisons, des délivrances, alors qu'il ne peut pas réaliser tout cela. Et tout ce qu'il vous donne, c'est la contrefaçon. La personne qui a l'original s'appelle Jésus. On a besoin d'un sauveur, on n'a pas besoin maintenant de la religion, mais on a besoin d'un sauveur qui détruit le péché originel, qui détruit les malédictions originelles, les péchés ancestraux, les alliances ancestrales, et également ce qu'on appelle le péché personnel, et l'alliance personnelle également que tu as tissée avec le diable, comme tu viens de le faire. Or, la Bible interdit ces genres d'actes, c'est un pacte de sang. Il y a beaucoup de femmes qui ont fait également des pactes de sang avec des hommes parce qu'ils ne voulaient pas se séparer. Un couple, ils boivent, ils se blessent, ils mettent le sang dans un verre, ils boivent ensemble. C'est une alliance de sang qui passe par le sang, par les alliances diaboliques et sataniques. Et ce sont les démons qui interviennent et c'est pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui sont absolument détruites. Le mensonge de Satan, c'est pourquoi je continue à dire tout simplement à Maître Jim, pour ta délivrance, parce que c'est ce que j'ai appelé la délivrance de l'asservissement, l'asservissement collectif. Parce que tous ceux qui vont danser, qui sont en train de danser, ils sont déjà envoûtés. Le diable a déjà récupéré leurs âmes. La musique que ce garçon produit, et tout ce que, parce que si je vais sur Internet ou bien sur YouTube tout de suite, je vais te montrer une panoplie de musiciens, de vedettes qui ont sacrifié leurs âmes à Satan. Et aujourd'hui, ils sont malheureux. D'autres font semblant d'être heureux. Et à la fin du compte, tu peux faire circuler l'image. À la fin du compte, et lui-même a reconnu qu'il est malheureux. Regardez. Voici son maître. C'est lui qui l'avait introduit. Vous voyez, après avoir signé des pactes, il a l'argent. Il y a des foules immenses. Et ces foules gaspillent leur argent. Alors qu'il est suivi par un démon en chair. Cette fille est un démon en chair, mandaté. Un esprit qui a pris la chair pour coucher avec lui, pour coucher avec d'autres garçons. Et c'est comme ça dans le monde des ténèbres, vous voyez plusieurs filles, plusieurs garçons qui sont des démons en chair, couchent avec vous, font des choses. Tu peux arrêter l'image ici. Et voyons, là, il est couché de nouveau, en train de signer une autre page. Et moi, dans mon livre témoignage, je parle du cimetière. Quand je suis arrivé dans le cimetière, on m'avait exigé, après avoir envoyé le sang, qu'il fallait se rendre au cimetière. Et je me suis rendu au cimetière à 23h30, moi seul. Écoute-moi bien. Parce que quand tu veux quelque chose, tu as un courage satanique démoniaque. Un courage satanique démoniaque. Peut-être plusieurs parmi vous n'avez pas encore regardé cette vidéo. J'ai voulu vraiment faire une émission spéciale par rapport à ça. Si toi, tu as continué à danser la musique mondaine, qu'on appelle musique mondaine, inspirée par Satan, parce que tout ce qu'il chante, tout ce qu'il dit, c'est une inspiration qui vient des démons. Et tous ceux qui dansent, tous ceux qui sont en train de suivre ça, en train de danser dans les voitures, dans ceci, le diable peut te tuer aisément par accident, une courte maladie, une attaque cardiaque, parce que tu lui appartiens. Tu as été sacrifié par rapport à cette musique que tu écoutes, par rapport à cette musique que tu danses. Et c'est pourquoi, lors des concerts, il y a des gens qui meurent, il y a des choses semblables. Après ça, c'est des choses lamentables, abominables. Et Satan récupère les âmes. C'est pourquoi, quand tu signes un pacte avec lui, il te donne beaucoup d'argent, il te donne la gloire, il te donne... Parce que tous ceux qui vont danser la musique, les chansons, tous ceux qui vont danser, qui vont suivre, même s'ils ne dansent pas, qui vont suivre cette musique, que ce soit dans les voitures, dans leur maison, sont déjà sacrifiés. Ils sont déjà sacrifiés. Leur destin est déjà entre les mains de Satan. Leur destinée est déjà entre les mains de Satan. Ton argent appartient déjà à Satan. Ta santé appartient déjà à Satan. Seulement le fait que tu as dansé la musique de quelqu'un qui aurait sacrifié sa vie à Satan pour devenir riche, pour avoir la gloire, pour avoir tout ce que vous pouvez imaginer. Alors continuez. Voici, vous devez continuer maintenant. Nous avons cette grande retraite pour votre délivrance. Inscrivez-vous sur ce numéro. D'ailleurs, voici sur les commentaires que le numéro qui s'affiche, le 00337660-0948-18, c'est le numéro de réservation. Tous ces numéros sont des numéros de réservation. Vous devez donc réserver votre place à cette retraite de vendredi prochain. De vendredi prochain pour votre délivrance, pour que vous soyez absolument libérés. Absolument libérés. Aujourd'hui, je sais que ce garçon a peur. Je le sais. Qu'il a peur, mais il faut avoir peur si tu ne t'approches pas de Jésus-Christ. Si tu ne l'acceptes pas, le diable va te tuer. Va voir n'importe quel féticheur, quel marabout, entre dans n'importe quel cercle mystique, ça ne donnera absolument rien, c'est toujours lui qui est là-bas. Mais si tu ouvres ton cœur au Seigneur Jésus-Christ, tu veux la délivrance parce que tu es dans un asservissement collectif. Des malédictions de groupe, des envoûtements de groupe pour te soustraire de toute emprise maléfique, pour briser ces malédictions, pour détruire ces malédictions, pour disgracier ces esprits dans ta vie et pour détruire tous ces envoûtements. Il faut que vous soyez plongés dans le sang de Jésus-Christ. Il faut que nous puissions faire une délivrance. L'histoire biblique de ceux qui ont été délivrés de la captivité collective va se répéter dans ta vie. Si vous suivez les principes qui ont rendu leur délivrance possible, selon le livre de Jean chapitre 8, verset 32, il dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous n'êtes pas obligé de subir les malédictions familiales, de subir... des malédictions également de groupe, l'asservissement collectif. Vous n'avez pas besoin de subir tout cela. Il y a des gens qui ont livré leurs âmes à Satan parce qu'ils veulent de l'argent. Et cet homme-là vient coucher avec toi. Cette femme-là vient avoir des rapports sexuels avec toi. Elle te livre sans le savoir. Il livre ton âme sans le savoir. Ou bien il te donne même de l'argent des espèces. Il te donne des billets de banque. Et toi, tu ne sais pas qu'en te donnant des billets de banque, il y a ceux qui ont des portefeuilles. C'est ce qu'on appelle un asservissement de collectif. Des portefeuilles, ils commencent à distribuer. D'autres entrent dans les bars ou bien les boîtes de nuit. Il dit tournée générale. Et quand il dit tournée générale, c'est pour détruire la vie de tous qui vont consommer cette boisson. Et ce qu'on appelle donc l'asservissement collectif. Vous serez exploité par Satan. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Vous serez exploité par Satan de toutes les manières. Tu vas même perdre ton travail. Tu vas perdre la santé. Tu vas perdre beaucoup de choses dans cette vie. Dans l'erreur de beaucoup de croyants et beaucoup de païens, qu'ils pensent qu'une fois leur vie donnée à Christ, tous leurs problèmes sont déjà résolus, sans qu'ils n'aient rien à faire. C'est une erreur grave. Beaucoup ne croient pas au ministère de la délivrance après avoir reçu le salut. Je vous le dis, après avoir reçu le salut, vous avez besoin de la délivrance. Parce que le salut égale démolition du péché originel. Lorsque le péché originel et les malédictions originelles sont déjà démolies, le Saint-Esprit entre en contact avec toi. Il doit être délivré maintenant selon ton identification à toi. Il doit être délivré des alliances ancestrales que toi tu dois identifier. Il doit être délivré des alliances personnelles. Ce genre d'alliance que vous voyez, des alliances personnelles, il doit être délivré avec ton apport qui est à 50%. Il doit être délivré avec le travail de l'homme de Dieu. Avec le travail de l'homme de Dieu, c'est pourquoi je parle de ce que j'appelle notre retraite qui débute vendredi. Il faut appeler pour que vous ayez toutes les informations nécessaires. Cela est très important pour vous. C'est pourquoi l'Écriture dit « Mon peuple est détruit et mon peuple est amené captif parce qu'il n'a pas la connaissance. » Ésaïe chapitre 5 verset 13. Mon peuple est amené captif, c'est son peuple, le peuple de Dieu, est amené captif par qui? Par le diable, par les démons, parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. On raconte l'histoire d'un homme qui avait tout simplement, moi je connais, après avoir obtenu le salut en Jésus-Christ, Jésus m'avait dit, va, raconte ce que j'ai fait pour toi. J'ai été invité dans beaucoup d'églises. Vous savez, c'est pourquoi les pasteurs sorciers ne peuvent pas m'inviter pour venir en témoignage. Or, je suis libre. J'accepte aller partout où on m'invite. Ne regarde pas que oui, il a un grand ministère, il ne peut pas venir. Non, je viens partout où on m'invite pour raconter ce qu'il a fait pour moi et en même temps pour exercer mon ministère. Quand je venais juste d'accepter le Seigneur, je suis entré dans l'église de mon père spirituel qui s'appelle Paix à son âme, le pasteur au baquet. Et j'ai parcouru une grande partie de ces églises dans la ville de Déa, dans la ville de Makondo, dans la ville de Mesondo, dans la ville de Makak chez Papa Yerna et aussi dans la ville d'Ezeka jusqu'à Douala. Mais j'ai vu comment Satan est en train de torturer les âmes alors que ces gens ont accepté le Seigneur. Ils avaient aussi cette doctrine qui ne croyait pas qu'un enfant de Dieu a besoin de la délivrance. Mais c'est une autre tactique de Satan. Il fait ça en passant par la télépathie. Il touche les esprits de certains serviteurs de Dieu qui prêchent une doctrine qui n'est pas biblique, qu'on n'a plus besoin de la délivrance. Vous savez, la délivrance, c'est quoi? C'est l'identification de tout ce que tu as fait auparavant, avant de recevoir le Seigneur Jésus. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 18, que tous ceux qui acceptèrent sa parole, la parole de Jésus, prêchée par Paul, venaient confesser leurs péchés. Et ceux qui avaient exercé les arts magiques apportaient leurs livres et on a brûlé ces livres, ces ornements et autres. Et on a estimé la valeur à plus de 50 000 pièces d'argent. Et c'est ainsi que la parole de Dieu se répandait avec force et puissance. Parce qu'ils sont passés à la seconde délivrance qui est confesser le nom du Seigneur. Ne fais pas de toi directement, fais de toi directement un enfant de Dieu. Mais il y a des points sombres que tu ignores encore par manque de connaissances. On doit t'enseigner beaucoup de choses. On doit prier pour toi. On doit te montrer ce que tu dois faire. Et c'est ainsi que Dieu va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Alors si tu ne le fais pas, c'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif. Sa noblesse mourra de faim. sa noblesse, c'est qui? Ce sont ses enfants, sa femme. C'est pourquoi on trouve la famine dans les maisons des enfants de Dieu, la pauvreté, la misère et beaucoup d'autres choses. Mais leur pasteur continue à dire, vous n'avez plus besoin de délivrance. Mais tu ne vois pas ta vie, tu ne regardes pas ta vie. Et voici, il dit, c'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif. Sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. Ce sont des enfants de Dieu qui sont aujourd'hui desséchés. Ce sont des enfants de Dieu qui meurent de faim, qui meurent de pauvreté, qui meurent de misère. Et nous sommes déjà à la fin de l'année. La fin de l'année. Donc nous devons se mettre ensemble le 13. Le 13, c'est pourquoi je commence par prier comme je l'ai fait hier, avant-hier. Nous allons prier et nous allons prier pour ce garçon. Maître Jim, afin que le Saint-Esprit te touche d'une manière particulière, afin que tu sois sauvé, non seulement toi, tous ceux qui ont donné leur vie à Satan, tous ceux qui ont livré leur vie à Satan pour avoir la gloire, pour avoir l'argent, pour avoir des postes, que ce soit dans les finances, dans l'économie mondiale, dans la politique, dans tous les domaines. Tu es entré comme illuministe, monsieur, tu n'es pas assis sur une bonne chaise. Je détruis au nom de Jésus et j'humilie l'homme fort délégué par Satan sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dois l'humilier. Que la joie des méchants concernant ta vie, ce genre, ils savent que tu vas mourir. Donc ils sont méchants. La Bible déclare, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et c'est pourquoi je prononce ces paroles au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cette année, l'année qui commence 2020, tu ne feras pas demi-tour au seuil de tes miracles. Tu ne feras pas demi-tour au seuil de ta richesse. Tu ne feras pas demi-tour au seuil de ta gloire. Car cela est arrivé à plusieurs fois. Quand il fallait accomplir, quand il fallait avoir la gloire, quand il fallait avoir les opportunités pour réussir dans les affaires, et tu as fait demi-tour, et j'ai dit à partir d'aujourd'hui, tu ne feras jamais demi-tour au sein de ta gloire. Et tout ce que Dieu a projeté pour toi va s'accomplir au nom de Jésus-Christ, par le pouvoir de Jésus-Christ Nazareth. Que tout architecte de haine, tout architecte d'hostilité, tout architecte de conflit dans ta vie et aussi dans ton foyer, soit détruit au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et j'envoie le feu du Saint-Esprit, le pouvoir de Jésus de Nazareth pour tout célibataire qui a été détruit, dont le foyer a été détruit et que tu continues à vivre dans le célibat. Tu continues à vivre dans des problèmes de mariage. Des problèmes de mariage, rien n'est accompli dans ta vie jusqu'à cette heure. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Consultez le livre de l'Éternel, dit la Bible, et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Et j'ai dit ceci, moi je consulte la parole de Dieu. Il dit consultez le livre de l'Éternel qui est la parole de Dieu. Personne ne manquera. Si tu m'écoutes aujourd'hui, tu ne manqueras jamais à l'appel. Quand Jésus va descendre pour enlever le corps de Christ, tu seras également enlevé. Et je te condamne à vivre étant rempli du Saint-Esprit, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui ont signé des alliances de sang avec toi, tu as donné ton sang. Cette alliance est brisée au nom de Jésus-Christ. Et il y a un homme qui a couché avec toi pendant que tu étais dans ta période menstruelle. C'était des alliances de sang. Et je prends autorité sur cette alliance. Je brise cette alliance au nom de Jésus. Et j'envoie le feu du Saint-Esprit. J'ai détruit toute manifestation satanique au nom de Jésus-Christ Nazareth. La Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et non à cause du sang que toi tu as versé, Maître Jim. Ton sang est pollué par le péché originel. Alors le sang de Jésus lave ton sang. Et si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, et à partir de cet instant, je détruis les démons d'incrédulité. Je les envoie dans l'abîme des ténèbres. La Bible dit si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Ceux qui périssent sont ceux qui refusent Jésus, sont ceux qui refusent d'accepter que Jésus est leur sauveur, refusent de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus, tous les écailles qui étaient dans tes yeux pour ne pas voir la gloire de Dieu, que tous ceux qui sont engagés dans le satanisme, à partir d'aujourd'hui, que toutes les incantations, toutes les incisions et toutes les blessures, les sorts et autres activités spirituellement nuisibles, travaillant contre toi, soient complètement neutralisées au nom de Jésus, soient complètement brûlées par le feu du Saint-Esprit. J'ordonne aux forces du mal, manipulant ton cerveau, manipulant ton esprit, retardant ou bien empêchant l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie, qui t'empêche d'accepter Jésus, qui aveugle ton esprit, et j'ai détruit ces forces du mal au nom de Jésus. Que le Seigneur restaure toi, qu'il te restaure sur la voie parfaite, la voie de la délivrance, par la puissance du Saint-Esprit. Je récupère le terrain que tu as perdu. Je récupère ce terrain au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'applique le sang de Jésus pour enlever toutes les conséquences des opérations sataniques, des oppressions maléfiques, toutes les opérations sataniques qui ont été menées par Satan et ses agents avec toi, contre toi, pour récupérer ton âme. On a vu comment tu as blessé ton bras, comment le sang est sorti. Il y a des gens qui ont fait ça également, qui vont regarder cette vidéo. Et je détruis toutes ces opérations au nom de Jésus. Et j'envoie le feu du Saint-Esprit par la puissance du sang de Jésus. Je te libère de tout lien satanique, de tout pouvoir étrange. Au nom de Jésus, j'enlève le droit légal que Satan a sur toi. Il a un droit légal parce que tu as versé ton sang. Il t'a dit de donner le sang et tu as versé le sang parce que tu voulais l'argent, tu voulais la gloire. Et je brise ce droit légal que Satan a sur toi au nom de Jésus. Et tous ceux qui ont fait eu des incisions sur la peau, chez les féticheurs, chez les marabouts, il y a des alliances de sang avec le diable. Et je brise toutes ces alliances par la puissance du sang de Jésus-Christ, par l'autorité de Jésus. J'enlève ton nom sur le livre du diable, le livre des voyants, le livre des sorciers, le livre des vendeurs d'âmes à Satan, qui pratique le con, le femme-là, et toutes les pratiques inhumaines, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu se lève et que tous les ennemis de ta percée, au nom de Jésus-Christ, une percée conjugale, les ennemis de cette percée conjugale, de ta percée dans les affaires, de ta percée dans les projets, qu'ils soient dispersés au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus descende maintenant dans ta vie, ton âme, ton esprit et ton corps. Au nom de Jésus, que tout partenaire satanique qui hante ton esprit, qui cherche à te détruire maintenant, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, quand les pourchassés du type Pharaon, que tous les esprits sataniques passant par Pharaon qui a exploité les Hébreux, tout ce qui exploite ton âme, tout ce qui exploite ton esprit, au nom puissant du Seigneur Jésus, que toute préparation maléfique contre toi soit détruite au nom de Jésus. Je rejette tout esprit au nom de Jésus-Christ qui se manifeste au sein de tes percées, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus. J'applique maintenant le pouvoir dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus, à ta situation. Chaque personne qui regarde cette vidéo, j'applique le pouvoir, j'applique le sang de Jésus à ta situation, j'applique le sang de Jésus à tes problèmes, j'applique le sang de Jésus sur tes maladies, pour que tu reçoives la guérison, pour que tu reçoives la délivrance. Ceux qui sont menacés, ceux qui ont été sacrifiés comme sacrifice de fin d'année, tous les sacrifices de fin d'année, on a pris ton mariage, on a livré ton mariage comme sacrifice de fin d'année. On a livré ton emploi comme sacrifice de fin d'année. On a livré un membre de ton corps, ton estomac, les intestins et même le cerveau et d'autres organes de ton corps physique. On a livré ça comme sacrifice et qu'en 2020, tu vas tomber malade. et même parfois avant 2020. Il y a ceux qui vont mourir par accident. Il y a ceux qui vont mourir par maladie. Parce qu'ils ont été sacrifiés. À partir de maintenant, que tous ces esprits, je retire le droit de tout pouvoir étrange qui t'afflige au nom de Jésus. Et je proclame ta délivrance. Je dis bien, je proclame ta délivrance par la puissance du sang de Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Je réclame ta liberté des conséquences de l'idolâtrie de tes parents. Ta liberté. Je brise toutes les alliances des conséquences de l'idolâtrie de tes parents. Des coutumes, des traditions. Je brise tout cela au nom de Jésus. Et je réclame également ta liberté des conséquences du péché et des malheurs de tes ancêtres. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus, que la puissance du sang de Jésus, que tout renfort démoniaque qui vient de l'abîme des ténèbres, parce que Satan dit ceci, il ouvre l'enfer pour venir, pour faire passer tous les esprits, pour faire sortir tous les esprits pour qu'ils viennent t'attaquer. Mais à partir de maintenant, je mets le sang de Jésus sur toi. Lorsque le démon qui vient de l'enfer verra le sang de Jésus sur toi, il sera détruit. Il sera projeté dans l'abîme des ténèbres. Et toi, tu seras protégé. Toi et tes enfants. Parce que la Bible déclare, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Au nom puissant du Seigneur Jésus, j'annule les plans et la marque de l'ennemi 666. J'annule la marque de l'ennemi 666. Que ce soit sur ton bras, que ce soit sur ton front. J'annule tout cela au nom de Jésus. 666 qui t'empêche d'avoir de l'argent, qui t'empêche également d'avoir des richesses, qui t'empêche également d'avoir tout le nécessaire pour vivre, qui t'empêchera également d'entrer au ciel, qui t'empêchera également de naître de nouveau, toi qui n'es pas encore né de nouveau. Et je détruis ces chiffres sataniques démoniaques qui est maintenant invisible au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Je réduis au silence toutes les déclarations sataniques, tous les engagements, parce que tu as fait des déclarations. Le jour que on t'avait blessé avec ce couteau, tu as également fait des déclarations. Mais moi, j'annule ces déclarations maintenant, au nom de Jésus. Il y a des gens qui regardent cette vidéo et que tu as fait des déclarations chez les féticheurs, chez les marabouts, dans la rose quoi, la franc-maçonnerie, des choses semblables. Tu as fait des déclarations. J'annule ces déclarations et j'applique le sang de Jésus. J'envoie le feu du Saint-Esprit par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth. Tu as fait des déclarations devant un sorcier. Tu as fait des déclarations devant un parent. Tu ne savais pas que c'était un sorcier. Et il a entendu des déclarations. À partir d'aujourd'hui, j'ai détruit ces déclarations au nom de Jésus. J'ai réduit au silence toutes les déclarations sataniques contre toi, au nom de Jésus. Et je révoque toutes les lois maléfiques qui sont utilisées contre toi. Toutes les lois maléfiques qui sont utilisées contre toi. Je les annule au nom de Jésus-Christ. Et j'envoie le feu du Saint-Esprit, la puissance de Jésus-Christ. L'autorité de Jésus de Nazareth. L'autorité de Jésus de Nazareth. Que le feu du Saint-Esprit, la puissance et l'autorité de Jésus-Christ se manifestent d'une manière exemplaire maintenant. N'oublie pas de venir à cette retraite. Et dimanche également, au Temple des Nations à Paris, dimanche après la retraite, on se retrouve nous tous au Temple des Nations, dimanche matin à 9h. Vous verrez l'adresse. Mais vendredi, il faut venir à la retraite. Ce vendredi 13 décembre, ça va durer 3 jours. Et tu appelles pour faire ta réservation, parce que c'est pas à l'église, c'est dans une grande salle. Et vous aurez des chambres d'hôtel, vous aurez où dormir, manger pendant 3 jours de délivrance. Même si ce démon, ce sorcier est caché à n'importe quel niveau, dans n'importe quel domaine, écoute bien ce qui est sorti de ma bouche aujourd'hui. Et je demande à ce garçon, Maître Jim, et à ceux qui sont concernés, à tous ceux qui sont concernés, comme vieillards, adultes et jeunes, voilà ce qu'on appelle le chemin du salut. Le chemin du salut, le chemin de la guérison, le chemin de la délivrance. Et si tu as été touché, peut-être tu es en train de se poser des questions en disant, homme frère, que ferons-nous maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Mais maintenant, à partir de maintenant, les Hébreux et tous ceux qui ont écouté Pierre prêcher après la descente du Saint-Esprit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du premier verset, la Bible dit au verset 37, Après avoir entendu ce discours, ils ont eu les cœurs vivement touchés. Ils ont dit à Pierre et aux autres disciples, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Et Pierre a dit, Pierre ne parlait pas sur les réseaux sociaux. Il voyait Pierre avec leurs yeux. Et c'est pourquoi je t'invite. Vraiment, je t'invite à venir à la retraite. Je t'invite à venir dimanche matin sur la Grèce que je vais t'indiquer qui sera affichée au-dessus de cette vidéo, l'adresse où le culte va se dérouler dimanche matin. Mais d'abord, la délivrance à partir de vendredi. Cela est très important. C'est dans deux endroits différents. Deux endroits différents. La retraite se déroule dans un hôtel, dans un jeu très merveilleux. Et maintenant, le dimanche matin, on se retrouve à l'église, au Temple Nation Paris. Donc maintenant, et après avoir fait tout ça, avant de venir, tu lèves les mains là où tu es debout, dans la chambre ou bien au salon. Peut-être tu te poses des questions, homme frère, que ferons-nous? La Bible dit au chapitre 2, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils ont demandé à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Écoutez la réponse de Pierre. Et Pierre dit quoi? Donne-moi la Bible. Pierre dit ceci. Repentez-vous. C'est-à-dire, tu dois demander pardon à Dieu maintenant. Maître Jean. Et les autres, tous ceux qui m'écoutent, vous vous mettez à genoux. Tu dis, au nom de Jésus-Christ, je demande pardon à Dieu au nom de Jésus. J'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Et je confesse que je me suis engagé à suivre Satan. J'ai fait des alliances avec Satan parce que je voulais la guérison, parce que je voulais les richesses, parce que je voulais l'élévation, parce que je voulais ceci. Tu commences à citer toi-même, à citer ce que tu voulais. Je suis allé chez un féticheur et marabout. Mes parents m'ont amené chez un féticheur, chez un marabout. Mes parents m'ont engagé dans les cercles mystiques ou bien moi-même, je me suis engagé dans les cercles mystiques parce que je voulais l'élévation professionnelle, je voulais ceci, je voulais cela. Et la Bible déclare, c'est ça la repentance. En le faisant, tu es en train d'invoquer le nom du Seigneur. D'invoquer le nom du Seigneur. Et tu dois aussi reconnaître que tu es né avec le péché originel. Le péché originel depuis Adam jusqu'à nos jours. Selon Romains chapitre 5, la Bible dit « La mort est entrée par un seul homme, la mort est entrée dans le monde. » Par un seul homme qui a péché. Même sur ceux qui n'ont pas commis un péché, comme le péché d'Adam, nous sommes tous touchés aujourd'hui par la mort. Nous sommes tous touchés aujourd'hui par la magie, la sorcellerie, les envoûtements, les malédictions et autres. Maintenant, et à partir d'aujourd'hui, tu reconnais que tu es né avec le péché originel, avec une condamnation, et que si tu meurs aujourd'hui, la direction finale, c'est l'enfer. Au chapitre 10, la Bible précise ceci, à partir du verset 8, « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a reçu des morts, tu seras sauvé, Maître Jim. Tu seras sauvé, pas seulement Maître Jim, tous ceux qui m'écoutent, la religion ne sauve personne. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut, c'est votre délivrance du péché originel. Le salut, c'est votre protection. Le salut, c'est votre délivrance des alliances héréditaires et personnelles. Le salut, c'est également le pardon de vos péchés. Et le salut également, c'est la richesse, la prospérité, tout ce que Dieu peut te donner. Tu as reçu le salut. C'est ça le salut. Hein? Quiconque croit en lui ne sera point confus. Si tu crois au Seigneur Jésus, il n'y aura plus de confusion. Il n'y aura, si tu crois que Dieu l'a reçu des morts, quiconque nie la résurrection corporelle de Christ ne peut légitimement prétendre être un chrétien, ne peut jamais être sauvé, ne peut jamais être libéré. À partir du moment où tu confesses cela et que tu reconnais que le péché originel était dans ton sang et que c'est seulement le sang de Jésus qui peut laver ce péché. Et c'est pourquoi tu dois également le boire. Parce qu'après avoir confessé, il faut boire le sang de Jésus-Christ et venir donc à la retraite, dans notre retraite, parce que l'évangile de Jean précise ceci. L'évangile de Jean au chapitre 6, verset 53. Et chapitre 6, verset 53, qu'est-ce qui est écrit? Au chapitre 6, verset 53. Et je lis, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. C'est lui qui mange ma chair et c'est lui qui boit mon sang à la vie éternelle. Comment le diable peut alors te tuer en buvant le sang de Jésus? Parce que tu as confessé le nom de Jésus, parce que tu as reconnu que tu es né avec le péché originel, parce que tu as reconnu que tu as fait tout ce que nous voyons sur les images aujourd'hui. Même si tu es parti chez le Philistin, tu dois reconnaître que c'était mauvais, c'était dangereux. Selon Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 10, la Bible précise que tout ce qui invoque les esprits, qui regarde l'horoscope, qui vont chez les féticheurs, qui invoquent les esprits de mort, ceux-là sont en abomination au Seigneur. C'est des choses que tu dois confesser et prendre la décision d'abandonner. Qui regarde l'horoscope et autres, tu dois prendre, c'est-à-dire tu es voué à la destruction, à la damnation, dans l'enfer. Et Satan peut te manger, peut détruire tout ce que tu as à partir d'aujourd'hui. Et tu dois reconnaître en confessant le nom de Jésus. J'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Et la Bible dit, tous ceux qui confessent son nom ne peuvent jamais être confus. Parce que tu bois le sang de Jésus. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Alors si Jésus demeure en toi parce que tu as bu son sang après avoir confessé, en venant donc vendredi à la retraite, tu vas faire ce qu'on appelle les actes prophétiques. Tu vas boire son sang, mais Jésus va demeurer en toi. Quel démon, quel sorcier, quel esprit dans le monde qui peut alors te détruire? Aucun esprit ne peut te détruire. Aucun démon ne peut te détruire. Même si tu as signé des pactes, tu as donné ton sang. Moi, j'avais donné mon sang. Je vous ai montré mon livre témoignage, j'avais donné mon sang. J'avais donné mon sang, mais Jésus m'a délivré. Satan cherche à me tuer tous les jours, mais il ne peut absolument pas le faire. Il ne peut pas, parce que le sang de Jésus est dans mon sang maintenant. Toi, sorcier, tu ne peux pas avaler mon sang, tu ne peux plus boire mon sang. Mais toi, qui vas chez les féticheurs, chez les marabouts, le sorcier boit ton sang correctement comme on boit la bière. Le sorcier, les démons boivent ton sang. Tu meurs par accident ou on te tue, on fait ceci, on va boire ton sang, on va même manger ta chair. Tu vois, or la Bible déclare, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang, demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Ceci, il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue en enseignant à Capernaum. Vous voyez, c'est pourquoi je vous invite, à la retraite ce 13-là. Et dimanche matin, si tu n'es pas venu, dimanche matin, tu te retrouves au 8 rue des Gaillards, au 95-140, Gage des Gonesses et à Paris. Et c'est là qu'il y aura également la potion. Nous allons célébrer la retraite. Dieu va bénir beaucoup de personnes. Dieu va délivrer beaucoup de personnes à la retraite à partir de vendredi, samedi et dimanche. Ça sera la grande fête au temple en ce moment-là. Parce qu'on va quitter l'hôtel où nous avons une salle, nous avons des chambres, nous avons tout ceci pendant 3 jours. Et puis on se retrouve donc pour célébrer, pour sceller toutes ces alliances avec Jésus et détruire tout le reste des alliances. Que la puissance du sang de Jésus-Christ se manifeste encore beaucoup plus dans ta vie au nom puissant du Seigneur Jésus. Que le feu du Saint-Esprit brûle. Vous avez les numéros de téléphone. Si vous voulez connaître beaucoup plus dans la délivrance, et ceux qui doivent s'inscrire aussi dans notre école de délivrance, corps, âme et esprit, le retour dans le jardin d'Éden, vous écrivez seulement sur WhatsApp avec le numéro 0033 643 98 92 24. C'est affiché là. Et puis donc, vous allez aussi vous inscrire après la retraite. Nous allons commencer les enseignements très poussés au niveau de la délivrance et même d'autres enseignements très, très poussés. Et on va vous donner toutes les conditions et le combat spirituel Et là, toi-même, tu combats, tu détruis les démons. Parce que Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Mais il faut que vous puissiez d'abord recevoir Jésus et puis que vous soyez enseigné. C'est ça le problème. Les gens ne sont plus enseignés et ils pensent que ça va tomber du ciel. Non. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Partagez nos vidéos et en même temps, il faut s'abonner sur notre chaîne YouTube Temple des Nations. Et le monde surnaturel, c'est notre site www.lemondesurnaturel.net, lemondesurnaturel.net. Et puis là, il y a YouTube, Temple des Nations, abonnez-vous. Et aussi sur notre page Dr Tsale Samba, ou bien nous allons commencer à prêcher en direct avec la page Facebook Temple des Nations, qui a déjà plus de 200 000, plus de 225 000 abonnés. Temple des Nations, 225 000 abonnés. Dès que vous voyez, il faut s'abonner sur cette page Facebook parce que à partir du 15 ou 16 par là, surtout vers le 17-18, nous allons commencer les directs avec cette page Facebook Temple des Nations qui a déjà 225 000 abonnés. Et voilà, que la grâce de Dieu soit sur vous. Et je vous donne également rendez-vous donc demain soir. Mais si vous ne voyez pas, sachez qu'on a commencé les préparatifs pour notre retraite. Vous devez tout simplement venir à la retraite parce que pendant la retraite, il n'y a plus de direct. Pendant la retraite, c'est des choses qui sont dites et enseignées seulement en catimini, comme on le dit, entre les brebis qui ont accepté le Seigneur, comme Jésus le faisait avec ses disciples. Donc, ceux qui viennent à la retraite vont recevoir. Il n'y aura pas de direct à partir de vendredi. Il n'y aura pas de direct samedi, pas de direct parce que nous sommes en retraite. Dimanche également, peut-être dimanche soir après la retraite. Dimanche soir après, peut-être. Et on va reprendre nos activités. Mais vous devez tout simplement être là à la retraite. Il faut prendre les renseignements avec les numéros qui sont affichés. Et si vous ne venez pas à la retraite, vous devez absolument être là le dimanche matin au Temple des Nations, 8 rue des Gaillards. Au 95 140 Gage des Gonesse, c'est à Paris. Que Dieu vous bénisse et sachez que le 31 au Cameroun, pour ceux qui sont au Cameroun, ça sera grave au Temple des Nations, la traversée. Mais avant la traversée, je prêche en direct au Cameroun pour ceux qui sont à Yaoundé et ses environs. Également, si vous êtes à Douala, l'église de Douala vient à Yaoundé le 31. Et également, tous ceux qui sont à Douala, venez à Yaoundé le 31. Venez à Yaoundé, vous allez vivre les choses merveilleuses à Yaoundé le 31, au Temple des Nations, Douala, Bafoussam, tout le territoire du Cameroun. Venez à Yaoundé, passez la traversée, vous allez voir des choses et entendre des choses extraordinaires que Dieu va faire dans votre vie. Que l'Éternel vous bénisse et que la grâce continue à se manifester d'une manière particulière. Continuez à partager la vidéo. Amen.